Quel sera le futur de Little Brother? La plus grande erreur dans le roman 1984 de l'auteur britannique George Orwell, c'est d'avoir diabolisé les instances gouvernementales et politiques tout en minimisant la bêtise des masses. Dans le livre, le but des technologies de communication est clair et brutal, assurer la dominance de l'État. Les sinistres télécrans, présents dans tous les foyers, répandent la propagande tout en servant d'outils de surveillance. La population est ainsi passive et le gouvernement tient fermement les rênes. Face à cette surveillance constante, les individus n'ont d'autre choix que de contrôler leur comportement, museler leur liberté de penser et se conduire comme de parfaits citoyens modèles. De nos jours, force est de constater que ce livre dépeint un scénario simpliste et hautement mélodramatique par rapport à la réalité quotidienne. Comme le prouve tous les jours Internet, nous n'avons pas affaire à un Big Brother tyrannique et totalitaire, mais bien à une vaste cohorte de Little Brother, farceurs et malicieux, équipés d'appareils dont Orwell n'aurait jamais pu imaginer l'existence en 1948, et qui surtout ne répondent à aucune autorité organisée. L'atteinte à la vie privée s'est démocratisée et n'a même pas besoin d'être intrusive puisque beaucoup de personnes tournent leurs lentilles sur leur propre quotidien, dans une recherche d'attention parfois ridicule. Pour Tyler Clementi, Little Brother a pris la forme d'un colocataire indiscret. En 2010, son camarade de chambre a piraté sa webcam pour l'observer avoir une relation intime homosexuelle, et ensuite poster les images sur Twitter. Deux jours plus tard, Tyler Clementi sauta d'un pont. Son colocataire n'avait aucun plan machiavélique si ce n'est l'envie d'embêter son camarade, ce qui rend son acte encore plus dérangeant qu'une intrusion oppressive d'un gouvernement tyrannique. Dans l'œuvre d'Orwell, l'abolition de l'espace personnel fait partie d'une politique gouvernementale, alors que de nos jours, ce n'est souvent rien de plus qu'un effet secondaire de l'hyperconnexion d'un monde informatisé. Avec l'ère des vidéos virales, des tranches de vie de parfaits inconnus peuvent se répandre à travers le globe en un rien de temps et sont, bien souvent, prises sur le vif à l'insu des concernés. Alors parfois, le résultat peut être plutôt positif, comme le cas d'un homme qui a filmé discrètement sa copine en train de se trémousser devant son jeu vidéo. Le buzz a rendu célèbre la jeune femme et elle a même pu participer à une émission américaine. Il y a également des cas où Little Brother rend service à la société en révélant des comportements antisociaux voire même contre l'humanité. Un des cas les plus célèbres est celui de la prison d'Abu Ghraib, où des soldats américains s'amusaient avec des prisonniers irakiens. Ces scènes de torture n'auraient jamais pu voir le jour si Little Brother n'avait pas été dans le coin. Malheureusement, il y a aussi des cas où la situation se trouve être choquante, comme le cas de cette mère qui a découvert que la webcam de la chambre de sa fille de 8 ans était en direct et accessible à tous sur le net, à cause d'un piratage. Dans ce YouTube-topia qui est notre monde, le flux d'informations part dans toutes les directions sans contrôle, sans être guidé par un gouvernement ne servant aucun parti, pour le meilleur ou pour le pire. Orwell n'aurait jamais pu voir venir ce genre de société. Lui qui vivait à une époque baignant dans le fascisme, le totalitarisme et les idéologies raciales. Aujourd'hui, on commence la journée par faire un tour sur Internet et soudain, on remarque une annonce à propos d'une image insolite prise par Google Street View. On clique par curiosité et on tombe sur une image d'un couple faisant l'amour dans une voiture, ou plus glauque, un cadavre dans une ruelle d'un bidonville. Un sentiment malsain de voyeurisme nous assaille. Mais très vite, on quitte la page pour aller vérifier nos mails ou la météo de la semaine. Big Brother lui-même n'est pas aussi froid et distant. Il a au moins un motif clair, celui de maintenir l'ordre et annihiler toute rébellion. Mais les Little Brother que nous sommes n'avons aucune idée précise de ce qu'on recherche exactement lorsqu'on s'immisce dans l'intimité des autres. Un sentiment d'omnipotence, la gratification d'une curiosité sans intérêt, cette consommation d'images volées est comme une histoire sans intrigue. La vision cauchemardesque orwellienne paraît presque rassurante et confortable. Certes, Big Brother étouffe toute dissidence en forçant la conformité chez ses citoyens, mais au moins, ses intrusions dans l'intimité sont prévisibles et gérables, et le mot « vie privée » garde tout son sens. Little Brother est plus vicieux. Déjà car il réside chez chacun de nous, et non pas dans une sorte de base isolée. Ensuite, car il rend la séparation entre vie privée et vie publique beaucoup plus floue, et ne sachant plus où se situe la limite, on les traite de manière identique. N'ayant nulle part où se cacher, vous pourriez très bien vous dire qu'il vaut mieux rendre sa vie publique et vous asseoir sur votre dignité personnelle. Nos secrets intimes sont donc de plus en plus menacés, et pas par un gouvernement dictatorial. Avec la prolifération des outils d'enregistrement de plus en plus sophistiqués, les objectifs et microphones pointent dans toutes les directions et se retrouvent dans les mains de chacun. Des compilations de chutes, fails en anglais, font des millions de vues par pur plaisir de voir des inconnus se ridiculiser. Que dire des vidéos compilant des décès filmés par webcam ou téléphone? Et le phénomène du revenge porn, qui consiste à publier des séquences sexuelles pour se venger de son ex à cause d'une rupture douloureuse. Là aussi, des millions de vues. Est-ce que le voyeurisme est devenu un synonyme de notre civilisation hyperconnectée? Et là, je parle uniquement du web, mais il existe sa face sombre, appelée le dark web. Si vous voulez acheter de la drogue, des armes, voire même des jeunes filles ayant été kidnappées dans un pays pauvre, vous trouverez. C'est non seulement le côté obscur d'Internet, mais également celui de l'humanité. Little Brother y tient une place des plus horribles, avec les Red Rooms, le petit groupe de personnes ayant accès à un site où ils peuvent non seulement voir, à travers une liaison directe, une victime se faire torturer, mais également donner des ordres, des indications. Enfonce-lui des clous sous les ongles, et le bourreau se met à la tâche. Considérés comme une légende urbaine dans la culture populaire, les Red Rooms ne sont peut-être que l'invention d'une peur collective de ce qu'Internet pourrait produire. En tout cas, si elle n'existe pas, la question est, pour combien de temps? Il semblerait également que capturer un moment de sa vie soit plus important que de le vivre. Combien de fois ai-je vu des centaines de personnes passant l'ensemble d'un concert, les yeux rivés sur leur téléphone en train de filmer? Certes, il doit faire ça pour garder une trace, un souvenir de ce moment. Mais alors, pourquoi le mettre sur YouTube, Facebook? Pourquoi le partager et demander des j'aime à tout le monde? Serait-ce pour montrer à ses amis à quel point leur vie est intéressante? Qui s'en soucie vraiment? Et lorsqu'un homme se noie dans la rivière, pourquoi le premier réflexe, ce n'est pas d'aller le sauver, mais de sortir son téléphone pour filmer la scène? Oui, je sais, c'est un peu exagéré, mais est-ce que ça l'est vraiment pour tout le monde? Il faut bien comprendre que nous ne sommes pas sous la surveillance du gouvernement, de la NSA, ou d'une organisation secrète dont le but est de diriger le monde. À moins que vous n'ayez l'intention de faire sauter la tour Eiffel, les autorités ne vont pas espionner votre téléphone ou votre ordinateur. Non. Celui qui vous regarde, c'est un gosse qui s'ennuie à l'autre bout du monde, ou votre voisin, qui va pirater votre webcam lorsque vous serez à poil dans votre chambre, juste pour se venger de votre voiture mal garée devant chez lui. Quel est l'avenir de Little Brother? Difficile à dire, mais il sera présent encore un moment. Dans un monde où filmer et publier en ligne se fait en deux clics, où pirater un compte ou une webcam s'apprend sur YouTube, on risque de rencontrer de plus en plus de cas dérangeants. Le dark web pourrait produire des contenus d'une horreur absolue devant les yeux de plus en plus de voyeurs participants, et la vie privée pourrait tout simplement cesser d'exister telle qu'on la connaît. Mais bon, tout ça, c'est peut-être qu'une vision un peu sombre de l'avenir. Qu'est-ce que vous en pensez? Article, histoire courte de science-fiction, podcast. Si vous en voulez plus, je vous invite à visiter le blog The Flares. Et pour ceux qui souhaitent donner leurs hypothèses sur le futur, rejoignez le collectif. L'avenir est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. Nous sommes vos fusées éclairantes. Nous sommes The Flares. Merci et à bientôt.